إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad, chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication du chapitre des invocations du matin et du soir tiré du livre La citadelle du musulman du Cheikh Saïd ibn Ali al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans les cours derniers l'explication de Ayat al-Kursi et des trois sourates protectrices et l'invocation que nous allons voir aujourd'hui et la première invocation prophétique que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée. Et elle commence par « Asbahna wa asbaha al-mulku lillah ». Et nous allons voir les différentes phrases de cette invocation, une à une, incha'Allah ta'ala. Mais tout d'abord, je tiens à souligner que cette invocation est rapportée par l'imam muslim rahimahullah ta'ala dans son recueil de hadiths authentiques, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prononcer cette invocation matin et soir. Il est donc légiféré pour le croyant de faire des efforts pour être assidu à la prononciation de cette invocation immense, à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit, il est important de la prononcer en comprenant ses sens, en méditant sur ce qu'elle contient comme enseignement, car il y a en cela un grand bien pour le croyant. Car celui qui est assidu à cela, il verra son cœur s'attacher à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et s'emplir d'espoir d'obtenir le pardon d'Allah, d'entrer au paradis et d'être préservé de tout châtiment, bi'inillahi ta'ala. Donc dans cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par dire « Asbahna » qui signifie « Nous avons atteint le matin ». Et le soir, il commençait en disant « Amsaïna, nous avons atteint le soir ». Et cela est une manière de reconnaître que tu as atteint le matin ou le soir, couvert des bienfaits et de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il disait sallallahu alayhi wa sallam « Wa asbaha al-mulku lillah » et la royauté est au matin à Allah. Et le soir, il disait « Wa amsa al-mulku lillah » et la royauté et au soir, à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu reconnais donc, matin et soir, que la vraie royauté appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, souverain des cieux et de la terre, et nul autre que lui ne détient la royauté. Donc si tu prononces ces paroles en ayant dans ton cœur la ferme conviction que nul autre qu'Allah ne détient la royauté, tu feras alors sortir de ton cœur tout attachement et tout sentiment d'admiration pour les rois de ce bas-monde. Car les rois de ce bas-monde, leur royauté est une royauté restreinte, limitée, et elle est temporaire. Ils la perdront, ou bien au moment de leur mort, ou bien, durant leur vie, s'ils la perdent ou qu'elle leur est retirée. Tandis que la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala est une royauté absolue et complète. Allah subhanahu wa ta'ala est le roi des rois, et c'est leur créateur. C'est donc lui seul que tu dois vénérer, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que tu fais ensuite suivre cette parole de la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Walhamdulillah, asbahna wa asbaha al-mulku lillah, walhamdulillah. » Ou alors le soir « Amsayna wa amsa al-mulku lillah, walhamdulillah. » Alhamdulillah, cela signifie « Toutes les louanges reviennent à Allah. » Toutes les louanges lui reviennent en raison de sa royauté, de sa souveraineté, de son immensité, de sa perfection, subhanahu wa ta'ala. C'est donc à lui que reviennent toutes les louanges, subhanahu wa ta'ala. De plus, il t'incombe de le louer car c'est lui qui t'a accordé tous ses bienfaits indénombrables dont tu peux jouir dans ce bas monde. Il est donc légiféré pour le croyant de multiplier les louanges d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de le louer pour tous ses bienfaits qu'il nous a accordés, et ce, en toute situation. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait dans cette invocation, « La ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, en dehors d'Allah. Wahdahu la sharika lah. Seul, sans associé. Tu insistes sur le sens de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamd. À lui la royauté, à lui les louanges. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de toute chose. Tu prononces donc dans cette invocation la parole du tawhid. Et tu attestes de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son droit exclusif à l'adoration. Et ce en disant, La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf Allah. Puis tu insistes sur cela en disant, Wahdahu, seul, la sharika lah, sans associé, il n'a pas d'associé. Il est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul à donner la vie, à donner la mort, et le seul à administrer tout dans cet univers. Il est donc le seul en droit d'être adoré. Puis tu affirmes à nouveau que la royauté est à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est à lui que reviennent les louanges, en disant « Lahul mulku wa lahul hamd » à lui la royauté et à lui les louanges. Et il est capable de toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a donné la vie et c'est lui qui nous donnera la mort et il rétribuera chacun en fonction de ce qu'il a œuvré. Donc jusqu'ici, les paroles prononcées sont comme une introduction à l'invocation. Si tu médites sur les termes que l'on vient d'expliquer, tu verras qu'il n'y a pas de demande. C'est simplement la reconnaissance de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa royauté, de son unicité. C'est donc une manière de faire les éloges de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala avant de lui adresser une demande. Et en commençant l'invocation de cette manière, tu es plus à même d'être exaucé. C'est donc une cause d'exaucement de l'invocation que de commencer par faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreuses invocations, et comme on le voit à travers celle-ci que nous sommes en train de lire et d'expliquer. Donc c'est seulement après avoir fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir reconnu sa royauté et son unicité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à adresser ses demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans cette invocation, « Rabbi, mon Seigneur, as'aluka, je te demande, khayra ma fi hadha al-yawm, le bien qu'il y a dans ce jour. » Et en ce qui concerne le soir, tu diras, « khayra ma fi hadhihi al-layla, le bien qu'il y a dans cette nuit. » Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le bien de manière générale, c'est-à-dire tout bien qui pourrait se produire durant ce jour, ou durant cette nuit, parmi les biens mondains et religieux. C'est donc une demande qui englobe beaucoup de biens en réalité. Entre dans cela l'obtention de tout bienfait parmi les bienfaits de ce bas monde, parmi toutes les choses profitables que l'on peut espérer, dont la sécurité, le salut, le bonheur, l'apaisement, et ainsi de suite parmi les bienfaits de ce bas monde. Et cela comprend aussi les bienfaits religieux, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et t'accorde la réussite afin que tu puisses occuper ton temps dans le bien et les bonnes actions, comme l'accomplissement de la prière, la multiplication du rappel d'Allah, la lecture du Coran, l'étude de la science religieuse, et ainsi de suite parmi les actes d'obéissance, dont l'accomplissement est un grand bien pour le serviteur, ici-bas et dans l'au-delà, et une cause d'augmentation de sa foi. Plus tu feras d'actes d'obéissance dans ta journée, plus ta foi augmentera. Et ceci est certes un des plus grands biens que tu puisses demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est compris dans cette courte phrase. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm. Mon Seigneur, je te demande le bien qu'il y a dans ce jour. Ou fi hadhihi al-layla, durant cette nuit, en ce qui concerne les adhkar du soir. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le bien, tout le bien que tu pourras obtenir durant ce jour ou durant cette nuit. Et ensuite tu dis, Wa khayra ma ba'dahu, et le bien qu'il y a après lui. Et le soir tu diras, Wa khayra ma ba'daha, et le bien qu'il y a après elle, après cette nuit. C'est-à-dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala l'obtention de tout bien qu'il y a dans ce jour ou dans cette nuit, mais aussi durant les jours et les nuits suivants. Et après avoir demandé le bien, tu cherches protection contre le mal. Et tu dis, Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm. Et je cherche refuge auprès de toi contre le mal qu'il y a dans ce jour. Wa sharri ma ba'dahu. Et contre le mal qu'il y a après lui. Et le soir, tu diras, وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة. Et je cherche refuge auprès de toi contre le mal qu'il y a dans cette nuit. وشر ما بعدها. Et contre le mal qu'il y a après elle. Tu demandes donc ici à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de tout mal apparent ou caché qui pourrait se produire durant cette journée que tu t'apprêtes à vivre ou durant cette nuit qui arrive, selon si tu prononces cette parole durant les invocations du matin ou du soir. Et également durant les journées et les nuits suivantes. Car tu dis, et contre le mal qu'il y a après lui ou après elle. Que ce mal provienne de ta propre personne ou qu'il provienne d'autrui parmi les djinns, les hommes ou les bêtes nuisibles, ou autres parmi les choses qui peuvent nuire à la personne. Ceci est donc aussi une demande générale, qui englobe la demande de préservation contre tout mal. La maladie, les accidents, les tristesses, les choses qui peuvent nuire à la personne, et ainsi de suite parmi les nuisances mondaines, mais également les nuisances religieuses. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver contre le mal qu'il y a dans ce jour ou dans cette nuit, et contre le mal qu'il y a après lui ou après elle, parmi les nuisances religieuses. Et entre dans cela les ambiguïtés qui peuvent mener la personne à l'égarement, mais aussi les tentations qui peuvent mener la personne au péché. Tout ceci est compris dans cette invocation. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver contre le mal de manière générale, que ce soit un mal physique, un mal psychologique ou un mal religieux, parmi les ambiguïtés, les tentations, l'éloignement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mauvaises compagnies, et ainsi de suite. Tu vois donc que c'est une invocation immense en réalité, et d'une grande importance. Mais qui parmi nous la prononce d'un cœur présent? Qui parmi nous est conscient de tout ce que cette invocation comprend lorsqu'il la prononce? Nombreux sont ceux à la prononcer rapidement, sans même réfléchir au sens des mots qu'il prononce, Wallah al-Musta'an. Donc après cela, après avoir demandé le bien de manière générale et la protection contre le mal de manière générale, tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala une demande de protection contre certains maux particuliers. Et tu dis, « Rabbi, a'udhu bika min al-kasal. » Mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre al-kasal. Al-kasal, c'est la paresse. Et la paresse est une faiblesse. Une faiblesse qui pousse la personne à être inactive, à passer ses journées et ses nuits à ne rien faire, dans l'oisiveté, sans être profitable pour elle-même et pour les autres, de manière mondaine ou religieuse, sans tirer profit de ses journées d'une quelconque manière. Et celui qui est éprouvé par cette faiblesse a généralement du mal à être actif et il a du mal à faire le bien. Il manque d'énergie ou de motivation. Il ressent une lourdeur au moment de faire le bien, au moment de faire la prière, au moment de lire le Coran, au moment d'apprendre la science, au moment d'assister à un cours, ainsi de suite. Il ressent une lourdeur, il n'a pas d'énergie, il n'a pas de motivation. Alors qu'il a les capacités de faire cela. Il pourrait le faire si ce n'est la paresse. Mais il délaisse beaucoup de bien en raison de cette paresse, Wallahu al-Musta'an. Et c'est pour cela que le paresseux n'est pas excusé. Il n'est pas excusé pour ce qu'il délaisse. Car il a les capacités d'agir, contrairement à celui qui est dans l'incapacité qui lui est excusée. C'est pour cela que la paresse est un grand mal qui prive la personne de beaucoup de bien. Car cette paresse va lui faire perdre son temps qui est si précieux durant son court passage dans cette vie. Si tu es touché par la paresse, dis-toi bien que tous ces moments que tu peux passer à ne rien faire, dans l'oisiveté, assis ou allongé dans ton lit, ou errer dans les rues, et ainsi de suite. Rappelle-toi que ces moments seront source de regrets au jour de la résurrection. Tu vas te rappeler de ce temps précieux que tu as perdu à ne rien faire, alors que tu aurais pu, durant tout ce temps où tu as été oisif, en profiter pour te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus que l'oisiveté mène généralement au péché. Car celui qui ne s'occupe pas dans le bien, alors il sera tenté par le diable à occuper son temps dans le mal, dans les péchés et les mauvaises actions. Tu dois donc prendre garde à ne pas faire preuve de faiblesse et faire des efforts pour lutter contre la paresse, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de t'en préserver, car nul autre que lui ne peut t'en préserver. Ensuite, tu cherches refuge contre autre chose en disant « Wasu il kibar » et contre les méfaits de la vieillesse, c'est-à-dire « Mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre la paresse et contre les méfaits de la vieillesse. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de tout méfait qui peut atteindre la personne lorsqu'elle est âgée, comme la perte de la raison, la perte de la mémoire, la faiblesse d'esprit, la perte de la vue, la perte de l'ouïe, et autres parmi les méfaits qui peuvent toucher la personne lorsqu'elle est âgée. Aujourd'hui, tu es peut-être jeune, tu es peut-être fort, tu as peut-être la santé, tu disposes, inshallah ta'ala, de toutes tes facultés. Il t'est possible d'œuvrer, il t'est possible de faire le bien et de multiplier les bonnes actions, de te tenir debout en prière, de te prosterner, de t'incliner, de jeûner le jour, de prier la nuit, de lire le Coran, de lire des livres, de te déplacer vers la mosquée ou autre pour assister aux prières en commun ou assister à des assises de science, et ainsi de suite. Tu as des facultés qui te permettent d'accomplir toutes ces actions. Mais tu dois avoir conscience qu'il est probable que si Allah subhanahu wa ta'ala te maintient en vie, tu verras sûrement ses facultés s'affaiblir peu à peu jusqu'à disparaître au fil du temps. Wallahu al-musta'an. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de profiter de 5 choses avant 5 autres. Et parmi elles, la jeunesse avant la vieillesse. La jeunesse avant la vieillesse. Car le jeune peut faire beaucoup de choses que la personne âgée ne peut plus faire. Combien de personnes âgées ont perdu la raison et ne peuvent plus œuvrer? Elles sont encore vivantes, mais n'ont plus les capacités ni les facultés d'accomplir la moindre action pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes âgées ne peuvent plus marcher, ne peuvent plus se déplacer, ne peuvent plus se tenir debout pour prier, ou ne peuvent plus s'incliner, ou ne peuvent plus se prosterner? Combien de personnes âgées ne peuvent plus lire le Coran car elles ont perdu la vue, ou elles ne peuvent plus l'écouter car elles ont perdu l'ouïe? Ceci sont des choses fréquentes. Et c'est un rappel pour les cœurs vivants. Ne pense pas que tu as le temps, que ce moment est encore loin, que tu es encore jeune, que tu as toute ta vie devant toi ou autre chose semblable, que le diable pourrait t'inspirer afin de t'écarter des œuvres de bien. Ce moment-là, il est beaucoup plus proche que tu ne le penses. Profite donc de ta jeunesse avant ta vieillesse pour multiplier les œuvres de bien et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver des méfaits de la vieillesse, car nul ne peut préserver de ses méfaits en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Enfin, tu termines cette invocation en disant « Rabbi, mon Seigneur, a'udhu bika, je cherche refuge auprès de toi, min adhabin finnar, contre un châtiment dans l'enfer, wa adhabin fil qabr, et un châtiment dans la tombe. » Tu cherches refuge contre le châtiment de l'enfer et le châtiment de la tombe. Mais médite ici sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le mot « adhab » que l'on traduit par « châtiment » à la forme indéfinie. Il a dit « min adhabin finnar ». Il n'a pas dit « min adhabin nar » contre le châtiment de l'enfer ou « adhab il qabr » le châtiment de la tombe. Non, il a dit contre un châtiment dans l'enfer et un châtiment dans la tombe. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il demande en réalité protection et qu'il cherche refuge contre le moindre châtiment de l'enfer et le moindre châtiment de la tombe, quel qu'il soit, et aussi court soit-il. Car le moindre châtiment de l'enfer et le moindre châtiment de la tombe est un châtiment qui est en réalité douloureux. Mais certains se laissent tromper par le diable et se disent « Alhamdulillah, je suis musulman, je ne fais pas de shirk, donc si je meurs dans cet état, et qu'Allah me fait mourir en tant que monothéiste, alors j'irai forcément au paradis tôt ou tard. » Et ils pensent que passer par l'enfer est une chose simple. Wallahi, qu'un seul instant dans l'enfer fera oublier à la personne tout bienfait dont elle aura pu jouir durant sa vie. Un instant. Le fait d'être plongé un instant et d'en être ressorti immédiatement. Alors que dire d'y passer des heures, des semaines, des mois ou des années? Wal'iyadu billah. Ce n'est pas une chose simple. Ne pense pas que c'est une chose surmontable. Mais nul ne pourra patienter face à ce châtiment douloureux en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne dans cette invocation de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver contre le moindre châtiment de l'enfer et le moindre châtiment de la tombe. Et ceci est une preuve de la réalité de ces châtiments, Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de ce châtiment, c'est que ce châtiment est réel. Et ça, c'est un point très important lié à la croyance. Car il y a des gens aujourd'hui parmi les gens de l'innovation et de l'égarement qui renient certains points de la croyance au jour dernier, de la croyance en l'au-delà, à l'exemple du châtiment de la tombe. Et ceci est une grave erreur, car cela revient à renier une chose faisant partie de la foi au jour dernier qui est un des six piliers de la foi. Car la foi au jour dernier, elle consiste en quoi? Elle consiste à croire en tout ce qui se passe après la mort. Et la tombe est la première étape. La première étape de l'au-delà. Tu dois donc avoir la certitude à ce sujet et n'avoir aucun doute. Et prendre garde à tous ceux qui pourraient renier quoi que ce soit parmi les choses confirmées dans les textes du Coran et de la Sunna. Car ceci revient à traiter de mensonge le Coran ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et relève donc de la mécréance majeure wa al-iyadu billah. Et le châtiment de la tombe, il a été mentionné ici de manière particulière en raison de sa dureté et de sa difficulté. Et celui qui sera préservé de ce châtiment, du châtiment de la tombe, il sera alors préservé de ce qui vient après. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver ainsi que vous du châtiment de l'enfer et du châtiment de la tombe et de nous placer parmi les gens du paradis. C'est très important de multiplier cette demande sans te lasser. Ne te lasse pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander de te préserver. Car le simple fait d'adresser une demande à Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration pour laquelle tu es récompensé. Alors que c'est dans ton intérêt. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il t'a ordonné cela, il te récompense, il te rétribue en bien. Et en plus de cela, il répond à ta demande. Donc multiplie cette demande et multiplie l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale. On a donc terminé l'explication de cette invocation immense que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prononcer durant les invocations du matin et du soir. Il est donc d'une grande importance pour nous de suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être assidu à la prononciation de cette invocation en la prononçant d'un cœur présent, en méditant sur ses sens, en méditant sur tout ce qu'elle comprend comme enseignement et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera profiter de ses bienfaits. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra l'explication de prochaines invocations dans les cours suivants. إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم